Another lesson learned, another page is turned. Give in to your desires, say goodbye. You'll play with fire, you'll get burned. Another lesson learned, another page is turned. It's time I have to fly, and then you say those precious words. Stay with me. And the time of day. Just 1 minute in your arms, the night it flies away. Another lesson learned, another page is turned. Give in to your desires, say goodbye. You'll play with fire, you'll get burned. Another lesson learned, another page is turned. It's time I have to fly, and then you say those precious words. Stay with me. I think loving you could be so easy. Rate that heavenly girl, she's a keeper. Should be taking her home, make it deeper. Take that leisurely stroll by the beach. Then I gotta leave country, now apply visa. I'm gonna bottle her love, take a liter. See her in a couple of weeks, we're like a couple of freaks in Ibiza. Even if we're sat on the sofa, you just won me over. Stay with me. En Estrellas de Medianoche, un dance de los 90. You gotta run to me. Oh, can't you see? You gotta run to me. Estrellas de Medianoche, la más variada programación anglo de todas las décadas, por 97.7 FM y emisora cultural de Pereira.com. Desde Pereira, Colombia, 97.7 FM Estéreo, emisora cultural Remigio Antonio Cañarte, una frecuencia de la Alcaldía Municipal de Pereira, con cubrimiento para el occidente del país. HJB 44, emisora cultural de Pereira. Radio de interés público. La emisora cultural de Pereira te acompaña a esta hora. Las 2 en punto. La que está en tu corazón, la que estabas esperando, la de siempre, la emisora cultural. La radio que llevas en el corazón. 97.7 FM. Escuchan Estrellas de Medianoche. Estrellas de Medianoche. Presentación y programación musical, John Jairo Muñoz. C'est comme une gaieté, comme un sourire, quelque chose dans la voix qui paraît nous dire bien, qui nous fait sentir étrangement bien. C'est comme toute l'histoire du peuple noir qui se balance entre l'amour et le désespoir. Quelque chose qui danse en toi. Si tu l'as. Sublime en dame, c'est un défi, un simple charme, cette petite flamme. Des pianos, c'est tout ce que Dieu peut te mettre entre les mains. Montre ton rire ou ton chagrin. Mais que tu n'es rien, que tu sois roi, ou que tu cherches encore les pouvoirs qui dans toi. Tu vois, ça ne s'achète pas. Tu l'as, et là, ce je sais quoi, que d'autres n'ont pas, qui nous met dans un drôle d'état. Elle a, Dance de los 80 en Estrellas de Medianoche. On the street.